إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما حكم الاستعاذة بغير الله Qu'en est-il de chercher refuge auprès de autre que Allah? والاستعاذة بغير الله c'est دعاء المسألة ou دعاء العبادة؟ دعاء مسألة دعاء المسألة هل كلمات الله مخلوقة؟ لا. تقعد الله سنك خير؟ لا. ما الدليل؟ قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من كلمات الله دين كلمات ومن كلمات أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بالمخلوقات نعم والله هل يجوز نقول أن الله يفعل شر الله يفعل جمال لا لكن خلق الشر لحكمة لا يجوز نقول يفعل الشر والاستعاذة بغير الله من السكور أو تكو الله ما حكمه كذلك سواء إذا لا يقدر عليه إلا الله شرك إذا يوم عنده القدرة لابد من شروط ومن يدعو غير الله سلي كان بوك وترك الله سين دعاء سنت استعانة عجيب ريبون بما عندك سوى. سواء؟ الدعاء والاستعاذة سواء؟ لا الاستعاذة الدعاء لكن الدعاء الاستعاذة سعود الدعاء من الدعاء سي بلو لارج كو الاستعاذة نعم تمام الآن سندخل في باب في توحيد وغربة الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا Est-ce qu'ils associent à ce qu'ils ne créent rien alors que eux eux-mêmes sont créés et qu'ils ne peuvent même pas secourir eux-mêmes قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم وقاتلهم فبين بطلان ما هم عليهم من عبادة غير الله ممن هذا وصفه Donc l'auteur il a voulu par ce chapitre démontrer sur quoi étaient les gens du shirk à l'époque du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'il les a appelés qu'ils ont refusé donc il les a combattus et qu'il leur a démontré le faux sur lequel ils étaient, du fait qu'ils adoraient autre que Allah. Donc là, c'est leur description, par ce verset, qu'ils adorent ce qui ne crée rien, et qu'eux-mêmes ont été créés, et qu'ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Si demain il y a quelque chose, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Alors que vont-ils faire pour toi ? قال وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون عبادة وهذا استفهام للتوبيخ فهم لا يخلقون حتى نملته بل هم مخلوقون فكيف ينفعون غيرهم فهم اما جماد لا يعقلون او احياء لا يسمعون او اموات لا يجيبون من من دعاهم وفي الايه صفات هؤلاء المعبودين من دون الله وهي اربعه Donc il dit, ça c'est justement leur description, qui ne mérite pas l'adoration. Et cette question que Allah Spontana leur pose, c'est une question de taubir, en guise de réprimande. Ils ne peuvent même pas créer ne serait-ce qu'une fourmi. Ils sont eux-mêmes créés. Donc comment pourront-ils apporter profit autre que eux? Ils sont soit des choses inanimées, des objets, sans raison, ou alors des gens vivants qui n'entendent pas, ou alors des morts qui ne répondent pas à ceux qui les appellent. Et ce verset démontre quatre caractéristiques de ces choses adorées en dehors d'Allah. Awalen, qui ne crée rien. Annahum la yakhluquna shay'an. Thaniyan, annahum makhluqun marboubun. Ils sont créés et sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, annahum la yastati'una lahum nasra. Qui ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes. Rabi'an, annahum la yansuruna anfusahum. Le premier, ils ne peuvent pas, le deuxième, ils ne le font pas. Naam. Donc ces choses adorées en dehors d'Allah sont vaines et ne t'apportent aucun profit. ثم قال وقوله تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Et que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne possèdent même pas la pellicule d'une date. C'est la chose qui est autour du noyau de date. La fine pellicule qu'il y a s'appelle la qatmir. Il y a d'autres sens pour te donner, mais c'est vraiment une chose qui est sans valeur, minime. Ça veut dire qu'ils invoquent des choses qui ne possèdent même pas cela. Comme il a expliqué le shir, qui ne crée même pas une fourmi. Allez, on va dire une aile de mouche, une aile de mouche. Ils en sont incapables. Qal, et là dans Yad'ouna mayam nekunna min qatmir, là c'est dua al-ibada. Même dua al-ibada. Qu'ils adorent en fait ce qui ne possède même pas une pellicule de date. قال وصف الله آلهتهم بأربعة صفات كذلك. Que Allah justement a décrit leur divinité en leur attribuant quatre caractéristiques. Qui ne possèdent rien du tout, même pas du qitmir, qui n'entendent pas les doigts de ceux qui les appellent, et même s'ils entendaient, ils ne pourraient leur répondre. C'est l'ensemble du verset, ça qui n'est pas cité dans le matin. Et quand Yom al-Qiyama, ils mécroiront au shirk qui leur a été fait. Ils mécroiront au shirk qui leur a été fait. Donc tout cela, c'est de la pure perte, c'est un pur déficit. Fait dunya ou al-akhirah. T'en as tiré aucun profit. Hier, on expliquait que des fois, des gens ont fait du shirk, ils ont tiré un profit. Ça dépend, c'est pas à Moutlaqan, c'est dans des abweb. C'est ce qu'on appelle un profit, c'est-à-dire dans leur vision à eux, qui en réalité, c'est une khasara. Non. Mais au final, la finalité, c'est que c'est la perte totale. Car tu n'auras eu, même cette dunya que tu auras eu, ça aurait été un azab pour toi. Même si tu les vois avoir peut-être des richesses, c'est un azab pour eux. Ils n'en jugent même pas vraiment. Ils ne sont pas heureux. Et après la mort, c'est où? Nar et Jahannam. Tout ça pour avoir des biens de cette dunya. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شحوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الآخرة والأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Donc dans le Sahih, c'est Muttafaqun alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, a été blessé au visage. Shujja, j'ai dit Shuhha, c'est Shujja. Enfin, j'ai mal lu. C'est Shujja. Et ça, c'est le fait de le blesser à la tête, particulièrement au visage, comme l'explique Sharon Faymin. Donc de là, une de ses molaires en a été cassée. Que shuhha, c'est le fait d'être avare. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comment peut réussir un peuple qui a blessé au visage leur prophète? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, dans le sens où il dit, tu n'as aucune part dans le décret. Et également, toujours par rapport à ce hadith, que Ibn Omar, radiallahu anhu, a entendu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait salat, lorsqu'il relevait sa tête du rukou dans la dernière raka'at au fajr, c'est-à-dire la deuxième, c'est-à-dire le kunut, il disait « Oh Allah, maudit un tel et un tel. » Après qu'il ait dit « Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. » Donc Allah fait descendre le même verset. Et ça c'est un al-Bukhari. Et dans une version de ce hadith, qu'il est dit, qu'il invoquait sur Sofwan ibn Umayya wa Suhail ibn Amr wa al-Haris ibn Hisham. Et le verset fut descendu. Le shia dit « Zekana hada afdal khalq wa akrab al-nas manzilah wa afdal anbiya lam yastati' an yadfa' an nafsihi wa la an ashabihi wa m'afdal al-kurun wa zekana kathalika lam yastahik an yu'bada min dunillahi wa yushraku bihi ma'a. » Donc il dit maintenant, là il fait allusion aux gens qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa shahid min al-hadith. Il dit « Si la meilleure des créatures et l'homme le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas écrit akrab an-nas manzilatan ilallah, je pense que c'est ilallah, takdir ilallah, et le meilleur des prophètes n'a pas pu se protéger lui-même de cette blessure, et également il n'a pas pu protéger ses ashab alors que eux étaient les meilleurs des hommes après les anbiya et le meilleur siècle. Donc si il en est tel quel, comment peux-tu le mériter qu'il soit adoré en dehors d'Allah et qu'il soit associé à Allah? Car des gens invoquent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tu le sais, ils reviennent vers lui, yasta'ithuna bihi, yad'unahu, ils l'invoquent. Donc là il le dit bien, wa danazil kull azza wa jal qul la amliku li nafsi darran wala naf'a ila ma sha'a Allah wa law kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-khayr. Je ne possède pour moi ni de bien ni de mal, à part ce que Allah a voulu. Si je connaissais l'avenir, certes le mal ne m'aurait pas touché. Je suis plus qu'un avertisseur. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour toi dans les choses qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa ma hasala yawm Uhud lil Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi bi dhunubihim inna ma hasala li hikmah baligha. وهو ان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يدفعون الدر عن انفسهم فكيف يدعون وكيف يدعون فغيرهم من باب اولى. Donc il dit que ce qui est arrivé le jour de Uhud, qui a eu comme défaite, c'est à cause des péchés qui s'y sont produits, et cela pour une grande sagesse, pour démontrer que Mohammed صلى الله عليه وسلم et ses compagnons ne peuvent repousser le mal pour eux-mêmes, quand il leur vient ne peuvent le repousser, eux qui sont les meilleurs. Alors, pourquoi les invoquer? Donc, si tu peux les invoquer eux, alors autre que eux a plus forte raison. Et le zem qui s'est passé ce jour-là, c'est celui des archers qui n'ont pas obéi à l'ordre, qui devaient rester à leur poste et qui sont partis, qui ont quitté leur poste précipitamment pour pouvoir toucher le butin. De là, Khalid ibn Walid, qui était encore un mouchik à l'époque, a fait le tour par Uhud, par derrière. Et là, ils ont eu le dessus sur les musulmans à ce moment-là. Ça a été une mukharafa qui a eu lieu. Après, Allah leur a pardonné, bien évidemment. Mais c'était pour qu'il y ait une hikma derrière, qu'on sache que ce jour-là, ils n'ont rien pu faire pour eux-mêmes. Donc, ils vont-ils faire pour toi? Donc, il n'y a pas à les invoquer. C'est-à-dire, il prend le mithal du Nel Arsen, l'il Adna. Il te montre qu'avec le meilleur, tu ne peux le faire. Donc, si jamais ça ne te suffit pas, je ne sais pas ce qu'il faut derrière. Donc, des gens vont invoquer des gens moindres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même des Fujjar, comme on a appris dans les autres kutub. Peut-être qu'il ne faut même pas salat ou Ghayr al-Zalika. pour leur faire comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien pu faire. Qu'est-ce que eux là maintenant ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Voilà Achey. Et dans le hadith de Ibn Omar, il a invoqué sur ces gens-là qui étaient parmi les gens les plus acharnés à vouloir combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les notables de Quraysh, les plus, ceux qui avaient le plus de haine envers lui. Et malgré cela, ils se sont soumis à Allah par la suite d'un bon islam. Ils sont devenus parmi les adorateurs d'Allah et les défenseurs de sa religion. Donc ça veut dire que Allah n'a pas accepté son doa au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a fait kunut sur eux. Et son kunut n'a pas été accepté. Et ni sa malédiction qu'il a invoquée n'a pas été faite. Donc il dit également, si le maître des fils de Adam, son invocation n'a pas été acceptée sur ces gens-là, qui à la base en apparence étaient des gens qui étaient à l'époque sur le mal, sur le faux, et parmi les têtes, et qui lui-même n'a rien pu faire contre eux, donc que va-t-il faire contre autrui? Car Allah sait mieux le contenu des cœurs. Et là, dans ce hadith, cela démontre qu'on ne connaît pas l'avenir des gens. Des fois, tu peux voir des gens en apparence qui sont parmi les plus acharnés contre l'islam, par la suite se soumettent et deviennent parmi les meilleurs des gens. On ne sait pas. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à la sahir de maudire un vivant désigné. Walau kana kafira. Même un kafir. Tu ne sais pas, demain, il se peut qu'ils se soumettent, ils sont meilleurs que toi dans l'islam. Comme a dit le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين أهل الذراع فيسبق الكتاب فيدخل الجنة. Que l'un d'entre vous fait les œuvres des gens du feu, puis son livre, c'est-à-dire son destin, le rattrape. Il meurt à tel point qu'il n'a entre lui et le feu qu'une coudée, et par la suite son livre le rattrape et il devient parmi les gens du paradis. Avant de mourir, il est parmi les gens du paradis. Et le contraire, les gens ils font les actes des gens du Jannah, à telle époque qu'il ne reste entre eux et le Jannah qu'une coudée, puis leur livre, leur destin leur rattrape, et ils meurent sur une mauvaise fin qui les amène à être parmi les gens du feu. Wa la'azu billah. Lakin fusira dal hadith bi hadith akhar qala fi ma yabdu lin nas. C'est-à-dire qu'ils affichaient parmi les œuvres des gens du paradis ou des gens du feu dans ce qui apparaissait aux gens. À la zahir. À la zahir, mais le contenu de leur cœur, ils ne le connaissaient pas. Et Allah peut-être savait qu'il y avait en eux un bien qui fait que par la suite, ce bien leur a coûté d'entrer au Jannah, ou d'autres qui faisaient du bien en apparent, et leur cœur, dans leur cœur, il y avait une jassissa, du mal, qui a fini par ressortir pour les faire devenir parmi les gens du feu. وَكَمْ وَكَمْ رَأَيْنَا مِمَنْ إِنْحَرَفْ كَنَا لَا جَدْ وَلَا الْحَقْ وَلَا سَوَابَ الْاسْتِقَامَ وَفِي آخِرٍ إِنْحَرَفْ. Sur la salafia, sur la sunna, et au final, elle a fini par dévier. Comme il est dit par les salafs, on ne te demande pas à propos de ceux qui ont survécu, mais ne demande pas à propos de ceux qui ont dévié, mais interroge à propos de ceux qui ont réussi. Ne sois pas surpris qu'un tel, un tel, un tel est dévié, mais sois surpris que lorsque quelqu'un est réussi, car ceux qui réussissent sont les moins nombreux. Sallallahu thabat wa al-afiyah. Donc le kul sahih, c'est l'a'nat al-mu'ayyan al-hayy, hadha ma yajuz. Fi un khilaf, mais le kul sahih, c'est celui-là. Thumma qal, wa fihi an-nabi Hurayra, qala, qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hina anzala Allahu alayhi, wa anzir ashirataka al-akrabin. Faqal, ya ma'shala Quraysh, aw kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا والحديث متفق عليه. Que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset dans le sens où il dit et avertis ceux qui te sont le plus proches, soit les shu'ara, les poètes, qui est dit, il a convoqué Quraysh, il leur a dit, ô gens de Quraysh, une parole dans ce sens. Rachetez-vous, c'est-à-dire mettez-vous bien dans le sens. Car je ne peux rien pour vous contre Allah. Il a dit, oh Abbas Ibn Abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux rien pour toi contre Allah. Il a dit, oh Safiya, tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien pour toi contre Allah. Et dit, oh Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux de mes biens, je ne peux rien pour toi contre Allah. Donc ce hadith va dans le même sens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement qu'il ne peut rien pour les gens. La guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela va venir dans un autre bab, fil hidayah. Lui, ce qu'il peut faire, c'est indiquer. Et essayer d'invoquer pour toi, sans que tu ne te garantis que son dua sera exaucé pour toi. Il a voulu faire comprendre par là que même ces gens-là qui étaient les plus proches de lui, il n'a rien pu faire pour eux. Si jamais ils ne croyaient pas et qu'ils ne s'étaient pas mis droit, quand même, ils n'ont rien pu faire pour eux. Donc ce qui leur convient lorsqu'il dit « Ishtarou al-fusakum », c'est-à-dire « Al-Iman » ou « Ittiba' », le suivi. C'est ça la voie de la réussite. Et c'est ça le tawhid. Tamam ?« Adam il est tawhid tamaman » Donc il dit, comme il a dit à Sophia, ou à Fatima, ses biens, il peut les donner, ce n'est pas un problème. Il peut aider avec ses biens. Mais c'est tout ce qu'il pourra faire par la suite. Car même sa shafa'a, comme cela va arriver, la shafa'a revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, la décision finale. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a indiqué les moyens menant à l'obtention de sa shafa'a, de son intercession. Il y a des causes. Ce n'est pas en l'invoquant que tu l'auras, sûrement pas, bien au contraire. C'est parmi les causes qui font que tu n'auras pas cette shafa'a. Car l'invoquer, je parle de après sa mort, même de son vivant, l'invoquer dans ce qu'il ne peut pas faire. Tu aurais pu lui dire, l'invoquer, plutôt lui demander qu'il invoque pour toi. Ça, c'est tawassul et shad'i. Mais l'invoquer lui, et tout particulièrement après sa mort, ça c'est du shirk. Ma'yajouz. Donc tu veux demander une chose qui n'accordera qu'aux gens qui font le contraire de ce que tu fais là. Cette shafa'a est accordée aux mouahidines. Et toi, ce que tu fais là, c'est du shirk. Cette shafa'a, tu seras privé. Et cela viendra dans le bab du shafa'a, inshallah ta'ala. Donc là, c'est un rod aux mouchirikines d'aujourd'hui qui s'apparentent à l'islam, qui invoquent autre que Allah en disant quoi ? Ma na'buduhum illa yukaribuna ila Allah yazulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit « Man arbuduhum » Il a appelé leur acte comme étant une ibada. Eux diront « On ne les adore pas. » On dira « Allah dit que c'est une ibada. » Et celui qui sait ce que vous faites. La tasmiya ne vient pas à ton acte, à toi, ce que tu t'imagines. Elle revient au shara. Et le fait d'invoquer ce dua que tu fais, qui est un dua mas'ala ou ibada ou mas'ala dans ce que ne peuvent rien faire, c'est une ibada. Donc l'affaire porte que Allah, cela est du shirk. Qui te coûtera le feu de l'enfer éternellement si tu meurs dessus, sans tauba. Et pour ce fait-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a combattu et a rendu leurs biens et leur sang halal. Quant au fait d'invoquer, on va dire, pas invoquer, parce qu'en français, invoquer, c'est vraiment dua, ça fait plutôt dua masala dans ce qui en vient à Allah seulement. Mais le fait d'appeler un vivant Qadir, on a dit ça, il n'y a pas de mania là-dedans. Ada jaiz. Nakra al-masail. Qal, al-oula, tafsir al-ayatayn. Tafsir de deux versets cités. Thania, qissat Uhud. Le récit de Uhud. Uhud là-bas, c'est une grande montagne qui est Al-Madina. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. Il y a le قنوت du chef des envoyés et derrière lui les meilleurs des أولياء qui font le ta'min dans la salat. Quand ils disent Amin, quand ils disent le قنوت, les sahabes ont dit Amin. Et malgré cela, et après le dit justement Rabi'a, les gens sur qui il l'a invoqué, c'est les kuffars, et parmi les plus acharnés à l'époque. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم أو شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بقتله مع أنهم بنو عمهم بنو عمهم Donc il a dit également que ces gens-là, cinquième point, qu'ils ont fait des choses que n'ont pas fait la plupart des koufars. Parmi ces choses-là, qu'ils ont blessé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au visage. Ou autres, qu'ils ont cherché absolument à le tuer. Et d'autres, qu'ils ont, comment on dirait cela, tamthil, qu'ils ont mis en exemple les gens qu'ils ont tués. C'est-à-dire, les gens qu'ils ont tués, ils ont exposé pour montrer qu'est-ce qu'ils font des gens qui s'opposent à eux. En guise d'exemple pour les autres. Pour dissuader les gens. Ils ont fait cela avec qui ? Avec Hamza, radiallahu anhu, qui était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait des aza'im. Ils ont fait des aza'im lors de leur kouf. Et malgré cela, comme il explique, le chef des envoyés, derrière lui, les aouliyés, qui font le ta'min dans la salat, sur des koufars, parmi les gens qui étaient les pires des koufars à leur époque, qui ont fait les pires des actes, et malgré cela, ça n'a pas été accepté. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء que Allah fait descendre le verset que tu n'as aucune part dans le décret. السابعة قول الله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن. Dans sa parole, dans ce sujet, Allah il a dit soit il accepte le repentir ou soit alors il les châtiera. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a fait se faire se repentir et ils sont mis à croire. الثامنة الكنوت في النوازل le fait de faire le kunut lors des épreuves التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم que le fait que tu puisses nommer celui sur qui tu invoques lors de la salat tu le nommes par son nom lui et le nom de son père tu le désignes en disant un tel fils de un tel fils de un tel العاشرة لعنو المعين في الكنوت le fait de maudire une personne désignée dans le kunut. Et là, Cheikh Othaymine l'avait dit, ça, ce qu'on l'a, on ne sait pas ce que veut dire le mouallif. S'il a voulu informer que ça a été fait, ça m'a affiché. Mais ça veut dire par là que c'est une chose, c'est une masala de laquelle on peut tirer un hukm, que c'est permis de le faire, il a dit ça, c'est discutable. Parce qu'il y a un khilaf. Peut-être que le mouallif, il voit que c'est permis. Mais le rajah, c'est que ce n'est pas permis de le faire. Al-Hadith A'ashar, qissatuhu sallallahu alayhi wa sallam, lamma أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. C'est-à-dire comment le prophète صلى الله عليه وسلم s'est comporté lorsque Allah fait descendre et avertit ceux qui sont les plus proches. الثانية عشر جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل منصب بسببه إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن. Du fait que le sérieux du prophète صلى الله عليه وسلم, du fait qu'il a fait des choses qui lui ont coûté qu'on le traite de fou. Quand même, et pareillement, si une personne aujourd'hui devait le faire, on traiterait de fou. Les gens qui appellent l'islam, ils sont traités par des fous. Pas les muslims eux-mêmes, alors qu'il y a des koufars. Un muslim lui-même, demain, t'es un da'i d'Allah, t'appelles au tawhid, à l'istiqama, la sunnah, il t'insulte et te traite de tous les noms des muslimoun. Alors qu'est-ce que le kafir va te faire? Et des fois, des koufars ont peut-être plus de rahma pour le muslim que certains muslimines. ولا دانيه الثالث عشر قوله لابعاد الاقرب لابعد والاقرب لا اغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا فاذا صرح صلى الله عليه وسلم ووصيد المرسلين انه لا يغني شيئا عن سيده نساء العالمين وامن الانسان انه لا يقول الا الحق وآمن الإنسان أنه لا يقول إلى الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له توحيد وغربة الدين. Il dit le dernier point qui est justement lui sur lequel le mu'alif a fait sa tarjama, ce chapitre, qui est sa parole qu'il a dit aux gens les plus éloignés et les plus rapprochés, qui ne peut rien pour eux contre Allah, et qu'à cette époque il a même dit à sa fille Fatima, c'est-à-dire lui qui est le chef des envoyés qui ne peut même pas faire quoi que ce soit pour celle qui est Sayyidat Nisa al-Alamin, c'est-à-dire la meilleure des femmes dans l'univers. Et je crois que c'est dans le Jannah à la base. Je crois que c'est l'Alamin. On va parler que c'est elle est Jannah. Que Fatima, il y a Sayyidat Nisa al-Jannah. Al-Jannah, mais l'Alamin, je ne connais pas. Al-Muhim. Et que la personne a su qu'il ne dit que la vérité, si jamais il regarde ce qui est tombé dans le cœur des gens aujourd'hui, quand même, il aura compris que le tawhid, il aura appris qu'est-ce que le tawhid et les tranchées de la religion en cette époque. Et les tranchées de la religion en cette époque. Naam. Celui qui appelle au haqq et au tawhid, yahi, aujourd'hui, est celui qui se fera le plus d'ennemis. Mais il aura les meilleurs des alliés s'il en a. Et ça, c'est une chose que Allah a décrété. Naam. Fa hadha wa bab al-yawm. Rabbi adana aktafi wa nakul alhamdulillah rabbil alamin.